Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Gamozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors, qui va être consacré à de la culture portugaise. J'ai vu que la médiathèque de Remiremont organisait le 24 novembre, je ne crois pas me tromper, donc une soirée qui aura lieu à la salle polyvalente, enfin la nouvelle salle de Saint-Étienne d'Hermiremont, je crois que c'est ça la définition, mais enfin c'est là-bas. Donc il va consacrer aussi en particulier à la culture du fado. Alors, je ne sais pas le prénom, vous vous présentez, vous voulez Fausto. Bien hein? Oui, je m'appelle Fausto Ferreira, et j'ai par... pas par métier, parce que ça, pour moi ça n'est pas un métier, par nature, je chante le fado. Et le fado, c'est quelque chose de naturel, que ça ne s'apprend pas, ça vient au monde avec nous. D'accord. C'est une culture un peu triste, non? C'est un peu des chansons... Si on veut, oui, c'est un peu triste. Mais il y a aussi des moments d'allégresse, des moments qu'on peut vraiment changer notre rythme. Mais c'est vrai que le fado, c'est dans le sens triste, oui. Et ça remonte à quand, le fado? Le fado, c'était au début... Au Portugal, c'est au début du 19e siècle qu'il est apparu dans les rues de Lisbonne. Mais bien sûr, tout le Portugal, il chante de nord au sud, même en France. Le fado, il n'est pas acquis. Le fado, c'est à tout le monde qui sait le chanter, qui est venu au monde pour chanter le fado. Et c'est très poétique aussi. Aussi, c'est poétique et c'est... C'est-à-dire qu'un artiste des rues peut très bien composer son fado et puis le chanter. Exactement. D'abord, le fado, c'est une chanson de rue. Oui. C'est chanté dans la rue et dans les cabarets. Il faut dire, par exemple, moi, je ne suis pas un jeune homme. Et dans ma jeunesse, quand j'ai commencé à chanter, pour nous, les garçons... C'était pas bien vu parce qu'on était des voyous. Oui, ah c'était bon? des vagabonds. Passer la nuit à chanter le fado. Comme une Est-ce fille. Que tu es né au Portugal? Oui, je suis né au Portugal. Parce que le fado, pour une fille, dans les années... on va pas trop loin. Ça paraissait vulgaire? Oh oui. Dans les années 60, une fille qui chantait le fado, qui passait la nuit à chanter le fado dans les cabarets, dans les maisons... C'était une fille de la rue. Et pour ça, encore, certaines mères disaient, va courir le fado. Va courir le fado, ça veut dire, va faire le trottoir. Ah bon? C'est à peu près l'expression là. Oui, tout à fait. Le fado, c'est, pour les filles, c'était pas bon. Mais après, bon, tout s'est modernisé. C'était souvent des déclarations d'amour. Aussi... Il y a de tout, un peu, de tristesse, des poèmes d'amour, ça va un petit peu sur tout, oui, tout à fait. Et ça date du début du 19e siècle alors? Oui, du début du 19e siècle qu'il a apparu dans les rues de Lisbonne, oui. Et aujourd'hui? Mais par exemple, on dit le fado c'est de Lisbonne. Non, ça a été chanté à Lisbonne, il s'est toujours chanté à Lisbonne. Les grandes maisons de fado, c'est Lisbonne, bien sûr. Mais ceux qui ont chanté dans les rues, et chez nous, on dit, à Lisbonne, on dit les hortes. Les hortes, c'est les jardins que les gens du nord ont amené, qui ont transporté du nord de Portugal à Lisbonne. C'est au nord du Portugal, vers Porto et plus haut. Guimarães. Et oui, voilà, le Minho, le nord de Portugal a immigré. On dit le Minhos. Oui, le Minho. Minho. Le Minho. Minho, c'est un homme de Minho. Mais ça veut dire que beaucoup de personnes du nord ont parti au sud à Lisbonne, travailler, reconstruire Lisbonne. Parce que Lisbonne, il y a eu un tremblement de terre en 1755. Oui, voilà. Ah oui. Et c'est les gens de tout le pays qui sont venus. Était complètement détruit, hein, Lisbonne. Oui, oui. Et c'est beaucoup, la majorité des hommes pour construire Lisbonne, c'était du Nord. Et avec eux, ils ont amené ces instruments. La petite guitare Braguesa, qui, celle-là, elle a 8 cordes. C'est avec ça que ça a commencé, le fado, dans les rues de Lisbonne. Et dans les jardins. C'était donc très, très spontané. Voilà, tout à fait. C'est apparu. Après, les femmes, les filles, ils chantaient. Et après, ça s'est modernisé. Ça chante. Dans les années 60, un chanteur de fado. Il y a eu un regain dans les années 60. Hein, que ah oui. Mais même avant, mais dans les années 60, un chanteur qui allait chanter dans une salle de théâtre, c'était déjà un petit peu extra. Parce que ça ne se faisait pas. C'était dans les maisons, dans les bars, dans les cabarets, dans les tavernes. Voilà, exactement dans les tavernes. Ouais, c'était vraiment la culture populaire. Tout à fait. La culture musicale populaire. Voilà, tout à fait. Oui, je me retourne un petit peu vers... tu veux bien te présenter? Ouais, je suis Diamantino Pignon, puis j'habite à Golbey. Puis nous, bon, c'est vrai que depuis l'année 2000 qu'on a ce petit groupe. Oui. Je promène partout. Ah, tu en fais partie aussi. Oui, je joue la guitare portugaise. Ah, d'accord. Nous sommes trois, donc il y a Fausto qui chante, la guitare portugaise et puis la classique. La classique, c'est David Pignon aussi. Oui. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, il sera peut-être par la suite. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Ouais. Et puis, c'est vrai que Fausto, il nous a permis d'aller partout un petit peu parce que les gens, ils l'aiment bien. La façon comme ils chantent, c'est vraiment le fado traditionnel, quoi. Oui. Le fado. Et vos tours de chant, enfin, vous les appelez comme ça, ça se passe où alors, en France? En France, ça se passe dans les associations portugaises, ça se passe dans les cafés, dans les restaurants, mais beaucoup, beaucoup dans les associations portugaises et dans les... Avec les médiathèques. Ça aussi, on a fait déjà quelques-unes. On a fait à Brive-la-Gaillarde, on a fait à Lyon. À Lyon. À Faisan. Faisan. Faisan, d'un bon vieux lyonnais. À Clermont-Ferrand. Très, très, très jolie salle. Oh là. Oui. On est. C'est vrai qu'on n'était pas partout. J'ai fait le premier temps d'un des grands artistes de Fado, que c'était Kamané. À Lyon, bien sûr. À Lyon, ouais. Et à Nancy. Nancy, Vandœuvre. Vandœuvre, d'une grande artiste portugaise. Ils ont voulu que ça soit moi qui fasse la première partie. Qui fasse la première partie. Et j'y vais très souvent à droite et à gauche. On y va. Jusqu'à présent, on avait donc une émission qui date d'à peu près une demi-douzaine d'années, à peu près. Et justement, on avait eu l'occasion d'entendre essentiellement des chanteuses. Toi-même, tu chantes alors? Oui, tout à fait, je chante le fado. Parce que le fado, il n'y a pas que la femme, il y a la femme et l'homme. Et l'homme, oui. Mais en duo, quelquefois? Ça dépend, des fois, un duo, ouais, d'abord ouais. Avec mon épouse qui chantait très chante bien. Très bien. Chante bien, mais depuis un certain temps, elle ne veut plus. Elle veut plus. Non. Et par contre, il y a 3 ans de ça, pour le Téléthon, elle est venue à l'église du village où j'habite depuis 45 ans. Près de Belfort, alors? Non, près de Lure, c'est de Lure, oui, roi. Excuse-moi. Roi, les Lure. Et dans l'église, ils ont fait, les gens de la commune, ils ont fait le Téléthon, ils m'ont invité, on était les invités, et mon épouse a chanté avec moi un duo. Oui. Ben, elle a une grande voix, une sacrée voix, peut le dire. Les gens, ils ont aimé. Ta carrière a commencé quand alors? Ma carrière. T'arrives en France quand? Je suis venu en France en 73. Avec, oui, c'est quand même. Avec lui, on oui, est venu ensemble. On est venu directement tout jeune. Chez Peugeot. J'ai sorti d'Afrique. Je suis arrivé, hop. D'Afrique? Oui, de la guerre? Oui. Guerre en Angola, oui, en Mozambique. J'ai fait la Guinée. C'est la Guinée. Oui, j'ai fait la Guinée. Oui. Ah ouais, parce que le service militaire durait longtemps, quoi. Oui, ça a duré 2 ans en colonie, quoi. Oui, oui. Plus. Comme la France en Algérie, comme. Oui, c'est. Oui, oui, oui, bah oui. Jusqu'à la révolution des œillets rouges. Oh oui. Oui. Ah, ça, après, ça y est. C'est pas la peine 1974, de... hein. C'est pas la peine de parler de ça, parce que ça... Y avait... Oui, c'est des mauvais souvenirs. Non, pour moi, c'était des bons souvenirs, mais les indépendances, elles ont été mal données. C'est pas la peine de parler de ça. Elles ont été mal données. Elles ont été très mal conçues. Il fallait, oui, mais... Accompagner. Autrement. Voilà. Les accompagner. Et là, on parle des fados. Après, l'Angola, il est déchiré. J'ai chanté en Guinée, j'ai chanté le fado en Guinée. Ah bon? Oui, avec mes... Parce qu'il y a toujours dans l'armée, il y a des musiciens. D'abord, il y avait... C'était une culture familiale, c'était? C'est une culture portugaise. Oui, mais pour ce qui te concerne, c'était familial? J'ai eu dans la famille quelqu'un qui chantait bien, oui, mais bon, j'ai... C'est une famille d'artistes déjà. J'avais 14 ans. Non. Famille d'art. J'avais 14 ans et j'ai travaillé à la mer. J'étais pêcheur avec papa. Pêcheur. Et j'ai passé à l'école de pêche, à l'école maritime. Dans quelle région alors? Au nord de Portugal, à côté de Porto. Porto, la région de Porto. Oui, j'ai. Et dans le pays où c'est que j'ai travaillé avec papa. Il y avait un monsieur qui chantait le fado, c'était un grand monsieur. Et un jour, il est venu au bistrot, là, accorder ses guitares, parce qu'il chantait le fado dans une maison culturelle, comme les Portugais en bas. Et ils ont commencé à jouer, et moi, j'étais là, en train de boire un petit café avec mon cousin, plus âgé que moi, parce que j'avais pas le droit de sortir seul, hein, à l'âge de 14 ans. Hein. Bien sûr, c'était... C'est très sévère. Hein, c'est normal. À 14 ans, à X heures de nuit, il faut être à la maison. Très rigoriste. Hein, c'est la religion, d'ailleurs. Alors, j'ai commencé à chanter avec les guitaristes. Et le chanteur de fado, là, il a dit, mais il chante bien, celui-là. On va l'amener avec nous à la salle. Et je suis allé avec eux à la salle en face. Pour chanter la nuit, bien sûr, avec le cousin, parce que c'était lui qui m'accompagnait. C'était bien vu du pouvoir politique à cette époque-là. Écoutez, si, nous, on ne faisait pas attention à ça. Oui. On ne faisait pas attention à ça. Par contre, il y en a qui ont été opprimés, mais moi, je n'ai jamais été opprimé. À chacun son... Bien sûr. Non, mais là c'était pas interdit, je veux dire. Non, c'était pas interdit. Non. Tout ce que c'était culture, on était bien guidés quand même. Hein. Il y avait des groupes folkloriques partout. Les jeunes, ils avaient le droit d'aller au cinéma à la nuit. Tout, à partir de 12 ans. Il y avait quand même des interdictions, c'est ça qu'il veut savoir. Avant 74. Oui, mais... Il avait certaines chansons qui ont été interdites. Oui, mais il y a quand même des chansons censurées, quoi, bien sûr. Ah, voilà. Oui, parce qu'elles étaient engagées. Oh oui, mais partout ça existe. Ça existe partout, hein, bien sûr. Le fado, c'est aussi un moyen d'expression. Hein, comme tu le disais tout à l'heure, des rues, du peuple. Tout à fait. Tout à fait. Et les filles, elles avaient le droit de chanter le fado à partir de quelle heure? Oui, ils avaient le droit d'y aller partout, sauf que... Il fallait qu'elles soient accompagnées, bien sûr. Bien sûr, mais bon, très souvent, elles n'étaient pas. Elles avaient un petit peu peur d'être... Et malheureusement, ils partaient avec... D'être un peu compromise, quoi. Voilà, tout à fait. Bah, on va essayer d'écouter. Mais on avait des belles chanteuses de fado. Ah oui. Encore aujourd'hui. J'ai entendu déjà quelques voix. Il y en a parmi les chants que tu as amenés sur ta clé USB. Ah, Oui. Il y a aussi c'est ce que je chante. Hein. Ouais. Non, ce sont des morceaux que Fausto chante. Ah, et en duo, ouais. De temps en temps aussi. Non. C'est ce qu'on fait d'habitude. Bon, pour, on va découvrir. Hein. Je ne crois pas qu'il y a... Tu as enregistré un duo avec quelqu'un. Non. On va découvrir, hein, je pense. Je vous en prie. C'est bon pour... são baixinhos, são espólios que nos fazem naufragar. São baixinhos, são escólios que nos fazem naufragar e ficam lá. Ben voilà, on découvre le fado avec... Ah ben c'est toi l'auteur. Donc à la fois l'auteur... Non, non t'es pas l'auteur. Ça c'est des, c'est fado, des reprises. Oui, c'est des reprises, mais c'est des, c'est un pot pourri, si on veut. C'est une... Il y a un morceau de chaque fado qui donne tout. Ça veut dire saudade. C'est une parole triste. Que c'est chanté sur ça, sur la, être loin de la, du pays, être loin de la famille, c'est triste. Et ça oui, parce que le Portugal a toujours été un pays de, d'émigration. Hein. Quand on voit, on dit souvent que le Minos a créé le Brésil, finalement. Oui, parce qu'il y en a beaucoup, effectivement, il y en a beaucoup de Portugais du Nord, qui ont immigré au Brésil. Au Brésil, hein, au Brésil, oui. Ah, il y a une grande communauté de Portugais au Brésil qui sont du Nord, du Portugal. De Minho, comme vous dites. Minho. C'est une province qui a beaucoup émigré, soit vers l'Amérique latine, soit, enfin, surtout le Brésil, puisqu'il y a une culture portugaise, oui. Hein, ou alors vers les autres pays européens, surtout la France, je pense. Hein, oui. Je connais énormément de Portugais qui sont de cette province, justement. Ah oui, hein, ceux qui sont venus dans les Vosges, ils sont... Du côté de Guimarães, de... Oui, Guimarães, parce que là-haut, il y avait beaucoup d'usines de textiles. Textiles. Ici, c'était la région textile. Il y en a qui sont venus directement ici pour le textile. Oui, tout à fait. Je connais beaucoup de... Non, mais les phénomènes de l'immigration, c'est quand même intéressant. Il y avait un portugais qui arrivait, et puis il appelait les autres. C'est comme ça qu'on trouve souvent... C'était de bouche à oreille, oui. Voilà, ouais. Il y avait une certaine époque quand même beaucoup d'émigrations clandestines. Oui, c'était comme ça. Des personnes qui fuyaient le régime de Caetano. Il y en avait parmi quand même. Hein. J'ai connu des amis qui m'ont expliqué un petit peu leur parcours parce qu'ils n'étaient plus, plus trop, j'allais dire, un odeur de sainteté à ce moment-là. Et puis à l'époque, c'était plus difficile d'immigrer à l'époque. Hein. Ah ben oui, en plus. Oui, c'est pour ça que, bon. Après, on a eu la France qui a eu besoin de main-d'œuvre et qui a créé l'Office national d'immigration. Oui. Qui allait directement. Il y a besoin de main-d'œuvre portugaise. C'était notre cas. On était pris sur place. Vous êtes tous les deux en 73? Oui. Vous êtes arrivé dans Haute-Saône ou dans les Vosges? Non, on est arrivé directement chez Peugeot. Chez Peugeot directement. Peugeot. Oui, vous savez, c'est à l'époque où Peugeot, il y avait 45 000 ouvriers. 43 700 à Sochaux et plus le reste dans le service portugais, technique de Bergeon. Des Espagnols. Où j'ai terminé ma carrière. D'Italiens, de Yougoslaves. Est-ce que tu es à retraite là? Ah oui. Ça fait un moment. T'as tout le loisir pour chanter. Bien sûr. Oui, de temps en temps, j'ai vu en Portugal, par exemple, à chaque fois que je m'apprésente là-bas, je vais habiter chez mon frère. Tous les soirs, j'ai mes amis qui viennent me chercher en voiture pour aller à droite et à gauche, à Porto, à Espinho, chez nous, à Aveiro. Ah. Je vais partout avec eux et tous les soirs, je vais chanter le fado. Et c'est des musiciens différents. Mm. Ça n'est pas toujours les mêmes. J'arrive, j'ai dit, voilà, je veux telle musique dans tel ton. Et oui, hop, ils démarrent, voilà. Ils n'ont pas besoin de chercher midi à 14h. Ils m'accompagnent tout de suite. Et tu passes combien de temps au Portugal alors? J'y vais pendant 10 jours. Ah, pendant une dizaine de jours comme une ça. Une dizaine de jours, je reviens. Je suis allé au mois de juillet. Je suis allé à fin d'août, début de septembre. Je vais une dizaine de jours. Je vais retrouver mes copains de l'armée et après, ah, bon. Oui. D'accord. Ils ont fait la, Java, quoi. Et, là, et en Haute-Saône? En Haute-Saône, tu retrouves aussi des amis? Ah oui, oui, oui. Oh, bah, je... ah, forcément. Plein. Des anciennes chez Peugeot, tout oui, ça. Oui. Encore voisins. Aujourd'hui, j'ai reçu une invitation d'une, pour y aller manger des châtaignes là, la semaine prochaine dans une association tout près, portugaise. Ah ben, bah, l'association du Tio faisait une opération châtaigne. C'était quand? Le 11 de... C'était vendredi soir. Et ils m'ont invité pour le 18, mais bon... Décortiquer les châtaignes. Oui, voilà. Mais je ne peux pas y aller parce que j'ai fait partie d'une chorale dans la Haute-Saône, la chorale de Chérimont. C'est Claire Goutte, Ronchon, Lure. À tout ce coin-là. Oui, vous, ils ont... Et vous produisez un petit peu dans les églises du coin dans... Oui, voilà. Moi, les soirées dire... aussi, non? Non. Pas que dans les églises. Par exemple, hier, on a été chanté au monument aux morts. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. Ils m'ont demandé si je pouvais. J'ai dit oui, hein, tant que je peux, que je n'ai pas une autre chose à faire. D'abord, le fado. Ils ont compris tout de suite. Tu chantes aussi en français? La chorale, c'est en français. C'est en français, hein? Ah oui, oui, mais le fado, c'est tout en portugais. Je ne sais pas chanter autrement. Y a, la rime, c'est pas la même. Ah ben, bien sûr. On ne peut pas... Donc ça vient du... Ça vient du fond du cœur, là. Tout à fait. Hein, depuis 14 ans. Alors. Même avant, certainement. Avant, un petit peu, déjà. J'avais un cousin que je l'appelais tonton. D'abord, sa sœur, c'est ma marraine. Elle était plus âgée que ma mère. La nièce de ma maman, elle était plus âgée que ma maman 3 jours. Alors, elle a été ma marraine, et son frère, que c'était 2 ans plus jeune que lui, 2 ou 3 ans pour qu'elle, lui chantait bien. Il chantait formidable. C'était un plombier. Ah oui? Il faisait les bas de toit, tout le bazar. C'était un artiste, hein. Il faisait à la main. D'accord. Tout. Et lui chantait bien. Il travaillait en chantant. Oui. Ben c'est, et moi, je le suivais très souvent. Viens. Et j'ai allé avec lui au bistrot quand il allait boire un coup. Il y avait des guitaristes. J'ai chanté un petit coup comme ça. Ben oui, c'était la tradition. Il y avait des maisons de la culture. Oui, il y avait des maisons de culture. Il y avait d'autres artistes. Ah oui, oui, oui. Un sculpteur. Ah oui, oui. Tout... Il y a de tout, hein. Comme ici, il y a des gens qui font de poupées de, en bois, c'est vraiment de... Et après, bon... Mais le fado, à chaque soirée qu'il y a une manifestation de quelque chose, le fado, il ne peut pas manquer. D'accord. ça accompagne vraiment la vie. Voilà, tout à fait. Ouais. Oui. Bon, on va justement avoir... Une deuxième pause, hein, puisque c'est une émission consacrée au fado, on va quand même en écouter le plus longtemps possible. Ninguém sabia te amar. Bien voilà, tu pourrais nous résumer un petit peu les vers qui sont... Oui, par exemple, c'est le fado qu'on vient d'écouter là, c'est le coin de la rue, ça, c'est comme ça que ça s'appelle, le fado, le coin de la rue, où on entend, t'avais le corps fatigué, et la ville, elle était froide, personne dormait à ton côté. Personne ne savait qu'aimer ton corps si allumé. Et après, il disait, en continuant en chantant, tu marchais tout doucement dans les rues de Lisbonne, en recherche d'une caresse, que quelqu'un te donne une caresse dans les rues de Lisbonne et que tu trouves une nuit bonne. Après, à la fin, on dit « Tu aurais pu être maman. » Alors là, je n'y reviens pas, parce que c'est la fin, c'est le dernier. C'est pas facile, la traduction. J'essaie de la faire, mais bon, voilà, il fallait l'écouter, il fallait dire en même temps. Mais... tu aurais pu être maman, mais tu as resté une fille de la rue. Voilà. D'accord. C'est exactement comme ça que ça termine. Tu aurais pu être maman, mais tu as resté une fille de la rue. C'est ce que tu as dit, que le fado est mal, ça a été mal vu. Mal vu pour les chanté filles. Chanté pour les filles. Avec, oui, à un moment donné, fille, oui. Mais bon, mais c'est, moi, je suis homme, je chante, mais c'est vrai que le fado chanté version femme, Il a une autre catégorie. C'est, moi, j'adore, je chante, mais j'adore voir une femme qui sait chanter le fado. Parce que c'est la voix de la femme. J'ai beaucoup d'amis qui chantent le fado. Et j'essaie d'apprécier le fado quand il est chanté par la femme. Amélie Rodriguez. Amélie Rodriguez, c'était notre maman. Hein. C'était elle. Elle a apporté le fado partout dans le monde. Malgré qu'elle n'est pas de ce monde, en Europe, en France. Elle a apporté dans tout le monde le fado. Ça a été vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Elle a commencé sa carrière quand ? Elle a commencé jeune. Hein. Elle a commencé dans les années 40, par là. Hein. Elle est toujours de ce monde ? Non, elle n'est plus de ce monde. Il me semblait qu'elle était... Par contre, j'ai chanté avec une dame avant de venir en France, en 72. En 72, j'ai fait la fermeture du plus grand casino de notre région au Portugal. C'est au bord de mer. C'est une belle petite ville, Espinho. C'est au bord de mer. C'est une ville de pêcheurs. Et le casino, il est énorme. C'est quoi, c'est à 20 km de Porto? Et après, il y a la... C'est une station balnéaire. En même temps, il doit avoir beaucoup... C'est très touristique, région-là. Beaucoup de Français, beaucoup d'Anglais. D'Allemands aussi. Oui, mais beaucoup d'Anglais et beaucoup de Français. Ouais. D'abord, quand on y va à la plage, on apprenait tout de suite à dire bonjour, bonsoir. Je t'aime pas. Oui. En France, on apprenait tout de suite. Il y en a beaucoup de Portugais aussi, hein. Oui. et, Et j'ai chanté à la fermeture de cette casino-là dans la saison de 72. Parce que le casino, la salle noble, où c'est qu'il passait le fado et tous les grands artistes, il fermait au mois de novembre, octobre-novembre. Et comme nombre d'établissements ici. Ouais. Hein, sauf que là, il y a eu la saison d'été. Maintenant, il ne ferme plus. Maintenant, il continue. Mais dans ce temps-là, il fermait la saison. Il faisait que la saison d'été, quoi. Voilà, la saison. Peut-être vers Noël, jusqu'à, au printemps, toute l'année, jusqu'à décembre. Il restait fermé 3 mois. D'accord. Voilà. Et moi, je suis allé fermer. Il y avait 2 grandes artistes. C'était Béatrice de Conception. Béatrice de Conception, c'était une grande chanteuse de fado. Elle est toujours de ce monde. Et j'étais jeune. Il y avait un autre, Antonio Moron. Il est venu chanter ici, au Tio. Antonio Moron. Lui, il chantait bien. Antonio Moron, il est venu chanter au Tio. Lui, c'était un grand artiste, mais c'était plutôt un chansonnier. Mais il chantait le fado de temps en temps. Il chantait très bien. Et la dame là qui chantait le fado, quand j'ai chanté le fado avec mes copains, les guitaristes, donc un plus jeune que moi, il était en France, il a appris à jouer, il savait jouer la guitare classique, mais il a pris la guitare de fado en France, il a commencé en France avec un autre monsieur. Mmh. Et lui m'accompagnait, et là je vous dirais franchement, elle est arrivée vers moi, elle m'a embrassé, elle a pleuré. Il dit, il faut que ça continue, parce qu'à un moment donné, il manquait de jeunesse dans le fado. Et voilà. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui... Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, il y en a qui disent, oh, c'est... Non, aujourd'hui, il y en a. Et on y va à Porto. C'est rigolo, c'est que je suis allé là, au mois de juin-juillet, et je suis parti de Dole. J'ai pris l'avion à Dole. Il y avait un monsieur qui partait dans la même région avec son fils, à Véro. Et un coup, fils... Tu veux pour atterrir à Porto ? Oui, à Porto. Et après, il y a quelqu'un qui est venu le chercher. Et le monsieur là, le fils est parti avec une jeune fille qui avait des bateaux à Véro. Mm-hmm. Ils sont partis passer un bras de mer. À Véro, il y a un bras de mer qui vient jusqu'à Ovar. On l'appelle la petite Venise de Portugal. Voilà. À Véro. Et le monsieur était tout seul. On était en train de chanter dans un bistrot au bord de mer à Ovar. Il est venu, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est des gens qui sont en train de chanter le fado. J'ai pu rentrer, bien sûr. Il est rentré. J'étais en train de chanter quand il est rentré. Il a regardé. Oh, mais je connais, il a dit à la dame qui l'a amené à l'intérieur, je connais cet homme-là, il a pris l'avion avec moi. Vous voyez, le monde est petit. Hein, puis je crois qu'il y a essentiellement des vols directs de Dole, Porto. Dole Porto, il y a des vols directs. Il y en a 2 par semaine. 2 par semaine, hein, oui, c'est oui. Pour ça qu'il y a des fortes chances de croiser des compatriotes. Oh, oui, alors le monsieur-là, il est français, il a dit, à l'Europe, on a fini de chanter, on a bu un coup tous les deux, un bon canon, comme on dit. Il était heureux. Il dit, on se retrouvera en France, oui, mais après, on ne s'est pas laissé d'adresse. Mais il était... vous êtes perdu. Il était de la région Il était de Dijon. Dijon. Oui, il était de Dijon. Un Dijonais. Voilà. C'est... Alors... tu es un puriste du fado, alors tu dis pas d'accordéon, c'est vraiment la guitare portugaise, la guitare classique voilà, qui accompagne. Voilà. Plutôt les, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. J'aime bien toutes les musiques. D'abord en Afrique et même au Portugal, quand j'ai chanté, ils m'ont demandé pour chanter quelque chose. J'ai chanté une espèce de rumba, j'ai chanté tout en portugais quand j'étais plus jeune. Mais moi, j'avais la tendance au fado. C'est ce qu'on appelle un conservateur. Non, pas forcément. Et j'aime bien être conservateur. Bah, oui. Des bonnes choses. Oui, des bonnes choses, c'est vrai. C'est vrai, c'est vraiment l'âme portugaise. Et puis là, on s'aperçoit, parce que j'avais vraiment dans l'idée que le fado, c'était folklorique. Or, c'est très vivant, et c'est toujours vivant. C'est vraiment la culture portugaise, qu'elle soit depuis deux siècles, ça continue. Oui, on exprime vraiment tous nos désirs. On exprime toute notre volonté de vivre. Quand on commence à chanter le fado, c'est lui qui aime chanter le fado. On n'a pas besoin d'avoir une grande voix pour le fado. Plus la voix est belle, mieux c'est. Mais il faut avoir une âme et un cœur pour chanter le fado. Il faut savoir chanter. Il faut pour raconter l'histoire que notre cœur il veut raconter. Voilà, c'est exactement ça le fado. Voilà. On va essayer de passer encore un morceau de fado. Là, si... Avec nos deux artistes, hein, l'un chanteur, l'autre la guitare portugaise. C'est toujours la guitare portugaise. C'est l'artiste. Non, il joue même la classique. Ah, mais il faut pas oublier les musiciens aussi. Parce que sans le fado, sans la musique, ce serait pas non plus le fado. Oui, hein. C'est vrai. Oui, c'est. Ah, bien sûr, il faut bien accompagner le chanteur. Exactement. Bon, s'il faut chanter a cappella, on chante aussi, mais bon, il y a pas. C'est ce que tu aimes faire souvent. Souvent, tu le fais a cappella, même sans accompagnement, rien. Oui, oui. Ah oui, comme ah, ça. Oui. Quelqu'un me demande, j'ai essayé de faire, oui. Puis là, on voit que ça s'entend bien, quoi. Pourquoi nous donner un échantillon avant qu'on se quitte, peut-être, alors. Oh, peut-être, pourquoi pas. il nous reste un bon quart d'heure, là. On pourra toujours consacrer 2-3 minutes à... Oui, ah, pourquoi pas. Oui, oui. On... Parce que moi, c'est le fado traditionnel, mais j'ai donné un petit peu un petit ton de fado de Coimbra. C'est les vrais révolutionnaires. Ah, on peut passer. qui chante le fado de Coimbra, c'est la musique de la révolution. Ça vient des chanteurs, des étudiants de Coimbra. Il y avait véritablement du fado de la Révolution des yeux rouges. Oui, c'est pas le fado, mais c'est des chansons, c'est des poèmes. C'était quelqu'un qui a passé par l'université de Coimbra et puis qui a fait pas mal de balades, surtout de balades. Parce que même le morceau que tu dis, c'est une balade. Oui, oui. Oui, hein? Oui. C'est du genre de fado aussi, mais une autre façon de chanter, quoi. De s'exprimer. S'exprimer. Oui, c'est une expression un peu révolutionnaire, un peu... Bon. Ah, ça fait partie du peuple que, et de la rue. Hein, oui, par exemple, c'est une expression. Moi, quand j'ai fait l'Afrique, quand j'étais à l'armée, il y en a qui disaient « c'est interdit de chanter ça ». Nous, on chantait, personne ne nous interdisait. Ah bon. Même le général Spinola, il m'a entendu chanter et il applaudit. Ben, pourtant, j'ai chanté quelque chose comme que donner le temps là. Non, à ma chaque corte, raison, pensamento, non, à morte, para o vento, non, à morte, para o vento, non, à morte. Ben, ça, c'est des musiques un peu révolutionnaires, mais bon, qui ont chanté, personne ne m'interdit. Mais bon. À chacun son truc. Ben, j'ai chanté bien plusieurs fois et personne ne m'a traduisé. Mais bon, après, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas sortir de contexte. Oui, bien sûr. Oui, qu'il y en avait qui sortaient de contexte. Quand on est dans le patrimoine, on reste véritablement dans l'expression populaire. Oui, oui. Hein, et donc, tout ce qui pourrait s'ajouter à l'expression populaire, bon, bah. Ça appartient aussi à l'histoire. Exactement, tout à fait. Ça appartient à l'histoire autant qu'à la culture. Mm-hmm. C'est-à-dire, c'est des... comment on pourrait dire, des évolutions qu'il peut y avoir dans le fado. Oui, oui, oui. Dans la culture portugaise, hein, y en a qui des groupes folkloriques qui dansent dans une traduction typiquement fado. Typiquement fado. Oui, oui, parce qu'ils ont changé un petit peu avec les accordéons, avec les instruments un peu... Parce que dans le folklore portugais, l'accordéon a quand même sa place. Ah oui, oui, oui. Une grande place, oui, hein. Oui. Et même dans certaines chansons qu'on appelle en Portugal, comment qu'on appelait la musique traditionnelle. La musique traditionnelle. Le fado fait partie de la musique traditionnelle. Bien sûr. Il y a des individus qui des bons musiciens qui ont fait un petit peu la et ici à Saint-Étienne, vous avez un très bon groupe de folklore. Ça fait un petit moment que j'ai pas invité l'association récréative portugaise qui se trouve juste en dessous de nous. Mais c'est vrai qu'ils ont reconstitué parce qu'il y a eu un moment donné, je crois qu'il y avait un peu, pas une disparition, mais c'était un peu en stand-by, hein, le groupe folklorique. Je crois que maintenant, il revit à nouveau. Et oui, puis ils ont créé un groupe à côté de musique traditionnelle portugaise, qui est très bien aussi. Alors, ils invitent régulièrement. Là, c'est avec les accordions diatoniques et tout ouais. Il est très bien. Ils vont partout. Les jeunes, ils chantent la danse et tout ça. Oui, des jeunes ont repris. Voilà. Ont repris, c'est vrai, hein, tous les groupes folkloriques en général, il y a des périodes fastes, il y a des périodes moins fastes. Oui, tout à fait. Hein, c'est toujours pareil, quoi. Ça dépend des motivations, ça dépend des jeunes qui viennent rejoindre le groupe. Oui, tout à fait. Et t'es venu chanter ici aussi, alors ? Je suis venu chanter là. Et je suis venu chanter. Accompagné. Non, ici, on est venu comme amis. Comme ami. Oui, on vient. Une... Dans les petits restaurants qu'on a parlé, oui, on faisait des soirées. Au Thio aussi. Au Thio, on est venu, donc à la médiathèque, on est venu aussi. On est venu à l'association Maroc. À l'association oui. aussi. À l'association Maroc. Ouais, ouais. Qu'ils avaient dans un ancien. Et puis surtout. Il y avait une à Contrex aussi. Contrex-Séville. Ah oui, oui, on est. À Contrex-Séville, on est allé jouer et jouer. Au casino. Carrément au casino. Au casino. Ah oui, c'était au casino. Oui, oui. Là, on est allé plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois qu'on était invité pour la fête de 10 juin, un truc comme ça. Ouais. La fête nationale portugaise, c'est quand? C'est le 10 juin. C'est le 10 juin. Ouais. La représentation du 14 juillet en France, c'est le 10 juin. Voilà. D'accord. Oui. Et peut-être, bon, je me permets aussi de le dire, je ne sais pas si ça se maintient, mais si ça se maintient, on viendra peut-être jouer chez votre ami, José, au café, là. De... Ah oui, chez José. José. José Lopez, oui. C'est Audio Bar. Pour... Hein? Oui, oui. Ah oui, d'accord. Oui, pourquoi pas, du coup. Ouais, bon, ça se maintient. Bah oui, c'est à voir, hein. Ça a deux pas d'ici. Mm-hmm. Hein, et puis sur Remiremont, c'est vrai qu'il y a la culture. Et puis Saint-Étienne, bien sûr, puisque Saint-Étienne est jumelé avec une ville portugaise. Ville de Zaves. Ouais. Mm-hmm. Hein, oui. Donc la culture portugaise est très, très vivante ici. Quoi. Et puis il y a avec des apports. Il y a une grande communauté de Portugais ici. Pardon ? Il y a une grande communauté de Portugais ici. Oui, elle est très importante et très importante. C'était surtout l'industrie textile qui a amené pas mal de main-d'œuvre d'origine portugaise. Le bâtiment, qu'est-ce qu'il y avait encore hein, parce qu'ici, un peu de métallurgie, mais c'était surtout l'industrie textile au départ. Oui, oui, c'était le textile ici dans la région. Ah, oui. C'était la filature aussi. Quoi. Voilà. Oui, oui. C'était presque une mono-industrie dans les années... C'était toute la vallée. Depuis la fin du 19e siècle, d'ailleurs, et jusque dans les années 60. Après, bien sûr, ça a diminué, puisqu'il y a eu, beaucoup de mécanisation, de robotisation. Oui, donc oui, ça oui. a supprimé de la main-d'œuvre. Mm-hmm. Et puis en même temps, bon, il y avait une certaine crise du textile aussi. Quoi. Il y avait les grands groupes qui pouvaient survivre la plupart du temps, ou des petites entreprises qui étaient sur un créneau de qualité, par exemple. Oui. Hein, ou d'originalité. Hein, mais les phénomènes, c'était identique au Portugal dans certaines régions. Et puis maintenant, ça revient parce que, oui, ils ont une certaine qualité. Oui. Et c'est ça qui le permet d'être toujours là, quoi. Ils ont innové. C'est un peu ce qui se passe ici aussi. Alors, il y a certaines boîtes qui continuent sur cette lancée-là. Oui. Et donc, en tournée un peu partout en France, puis à l'étranger, comme ça? Oui, oui, on est allé en Allemagne, on est allé en Belgique, en Suisse. En Suisse, Luxembourg. Et le plus loin en France qu'on est allé, c'est Brive-la-Gaillarde. Non, c'était en Corse. En Corse. Ouais. Un kilométrage depuis ici, c'est on pas a joué plus loin. Même une semaine. Non, mais en Corse. En voiture, oui, on est. Ah ben, en voiture, bien sûr. On est à Brive-la-Gaillarde. Ben, c'est, vous voyez, c'est rigolo. J'ai trouvé une fille à Brive-la-Gaillarde, une dame. C'était une fille née dans la cité où j'ai vécu mon enfance. D'accord. Elle est née là-bas, elle était fille de pêcheur, comme moi, fils de pêcheur. C'était le textile ou la pêche, l'activité principale là où tu es née. Sa région, là où, c'était plutôt la pêche. Moi, c'était la pêche. La région pêche. Je suis venu au monde en face de la plage. Et mon papa, il était dans pêcheur. L'eau presque. Oui. Les textiles, c'était surtout la région de Guimarães, de Braga. Oui, Braga, de... oui. Braga, voilà. Et puis après, Covilhã aussi. Voilà, c'était l'Anifis. La Covilhã, c'était plutôt... On n'est pas loin de la mer non plus. Et, oui. Et nous, moi, j'ai suis venu au monde en face de la plage. Et derrière la maison où c'est que je suis venu au monde, il y avait une petite ruelle. C'était le stade de foot. Ah oui, d'accord. C'était les tribunes. Il avait mis un morceau de plage qui est parti grâce aux oiseaux. Ça, c'est une histoire que je raconte. Mon papa, il m'a laissé un morceau de plage, de sable. Et la mer est venue, il m'a volé le sable. Je n'ai plus rien. Il faut rire. Oui. Tout dans la vie. Oui. C'est évident. Bon, on va peut-être s'accorder un dernière pause de fado. Tu veux. E Júlia floreste, o amigo fadeste, diz a tradição. Foi nesta Lisboa, figura da proa, que a nossa canção. Figura bizarra, que ao som da guitarra, no fado viveu. Vendia as flores, mas os seus amores jamais vendeu. Na nossa memória, oh Júlia Floresta, tua voz me ecoa nas noites bairristas, moabis fadistas de nossa Lisboa. Chinela no pé, um ar de rala e um jeito no andar. Se a Júlia passar, Lisboa parar para ouvir cantar. Cada ao peito, a graça e o jeito do cesto das flores. Nós, Julia Floresta. Eh bien, voilà, un petit commentaire par rapport à cette air de fado. L'air là qu'on vient de chanter, là qu'on vient d'entendre. Oui. Là, bon, comme je vous disais, en 1969, quand j'ai fait mon armée à Lisbonne, j'ai senti dans un bar, ça s'appelait le bar de São Domingos, dans le bar de Lisbonne, et c'était interdit aux militaires de chanter dans les bars. Mais moi, j'ai réussi à chanter. Parce que vous deviez être en uniforme, et donc oui. L'uniforme ne permettait pas de... Voilà. Et public. Alors là, mais j'ai chanté, et plus tard, j'ai représenté la même unité militaire dans un festival de musique de militaire. Pour les militaires, j'ai chanté le même fado accompagné avec des guitaristes dans une grande salle. C'était le jardin au marquis de Pombal, carrément dans les jardins en dessous de terre. C'était un joli jardin de fleurs naturelles. Estufa Fria, en dessous carrément de la statue de marquis de Pombal, à côté. Et j'ai chanté le fado. Dans l'armée aussi, oui. Partout on peut chanter. Une continuité. Voilà. Puis maintenant, retraite, on continue. Voilà. J'espère pour longtemps. Mais c'est toi qui l'accompagnes, quoi. Ici, parce qu'au Portugal, il a d'autres guitaristes. Ah ben oui, bien sûr. Oui. Mais c'est placement. Bon, nous, c'est ce que, ici, on a des guitaristes amateurs, quoi. Mais ça me suffit. Ça me suffit parce que lui, il s'adapte à ce qu'on fait, quoi. Ça me suffit. C'est vrai que dans les chansons, dans la musique moderne, souvent l'orchestration couvre la voix du chanteur et c'est pas génial, tandis que là, ça accompagne bien. Non. Hein, c'est un ensemble, c'est-à-dire guitariste, les guitaristes d'un côté, le chanteur qui accompagne bien le chanteur, etc., qui apporte une âme aussi à ce fado. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Si vous voulez que je chante une petite... Je ne sais pas si on va encore avoir le temps. Je vais signer au technicien. Oui. Oui. Alors, je vais vous chanter a cappella. Je vais vous chanter a cappella. Un petit morceau de Fado de Coimbra. Un petit morceau, à peine. Vous êtes bien d'accord? Bien sûr. Oh Coimbra do Mondego. E dos amores que eu lá tive, quem te não viu anda cego, e quem te não ama não vive, quem te não viu anda cego, quem te não ama, não vive. Merci. Bravo. Merci. Ah bien voilà, on arrive au terme de cette émission en vous remerciant d'avoir répondu à notre invitation. Il y a longtemps que j'avais préparé cette émission avec Valdemar en particulier. Un sympathique commerçant armièrement. Et puis finalement, les mois passaient, puis on n'avait pas trop l'occasion de se revoir. Et puis là, on a décidé quand même, une bonne fois pour toutes. Surtout que c'est tout un mois, là, une quinzaine, qui est consacrée à la culture portugaise, puisqu'à la médiathèque d'Armièrement, je le répète, il y a véritablement la culture portugaise est mise en valeur. Et il y aura donc une soirée le 24 à 20h, la salle polyvalente, enfin je crois que c'est la salle polyvalente de Saint-Étienne-lès-Mermoz. C'est en face, c'est ça, la nouvelle. La nouvelle, ah c'est la nouvelle, la nouvelle. Tu la connais? Alors, tu la connais un petit peu, moi je ne la connais pas trop. Voilà. Bon, ben, merci à tous les deux, et puis une bonne fin de soirée à toutes et à tous, et rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous. Et nous aussi, on vous remercie beaucoup de l'invitation, c'est et puis Valdemar aussi. Merci beaucoup.